pas aimé ma douce prose la chose. Essayez de comprendre ce que j'ai fait de mal. Sans relâche, elle aime tellement changer de vie, de partenaire. Super, le grand amour la submerge, le brûle ses ailes. Les temps espérés un jour seront car un brin d'espoir. La barre. Et si on charme la guitare au bord de l'eau, essayez de comprendre ce que j'ai fait de mal. Sans que l'on se fâche, elle aime tellement changer de vie, de partenaire. C'est si dommage, car elle est si belle. Quand l'amour lui tient au cerf, que la fille a tout pour elle. Elle est invitée, elle est si tendre. Quand l'entendre fait défaut, mais son regard semble trop beau. Elle est invitée. Elle est si belle, elle est si tendre. Quand la vie lui sourit, elle rend son âme à qui l'a pris. Elle est si belle et si douce. Quand un ange lui sourit de ses ailes, et quand l'amour l'affaiblit, elle est infidèle.